Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Fred et on va passer à un moment que j'espère agréable ensemble. Cette nouvelle émission s'appelle Dr Disco et Mr Funk. Comme son nom l'indique, on va écouter ces musiques entraînantes et relaxantes qui rappellent pas mal de souvenirs à beaucoup d'entre nous. On fera aussi quelques incursions vers d'autres genres, tels la soul, mais plus rarement. On va commencer tout de suite avec la première rubrique que je nomme la découverte. Au hasard de mes flâneries sur le web, je sélectionnerai un morceau plus ou moins connu, je vais essayer quand même un peu moins connu, que je souhaite vous faire découvrir. Le nominé du jour, je devrais plutôt dire la nominée du jour, c'est Roberta Kelly avec Zodiac, un morceau sorti en 1977. La chanteuse se métamorphose en voyant le ton de ce titre. Tout y passe, les signes astrologiques, les planètes, sur un son bien 70s. On va l'écouter dès maintenant. We'll be right back. Le meilleur de la funk, c'est dans Party Funk sur Fadjet. Pas mal le début, mais attendez la suite. C'est le moment de la double dose. Deux titres à la suite d'un artiste ou d'un groupe avec une rapide biographie. Je vais essayer de pas vous passer les chansons les plus connues. C'est ce que je vais faire tout de suite avec Village People. Ah bah bien sûr, tout le monde connaît YMC et encore aujourd'hui, on danse dans les nightclubs ou alors dans les mariages tout simplement. Chaque membre du groupe représente un personnage symbolique de l'Amérique. Il y a un policier, un cowboy, un indien, un ouvrier, un soldat et un motard. C'est produit par un français, Cocorico, Jacques Morali. Ils vont enchaîner les succès partout dans le monde et vont même jusqu'à tourner un film à leur propre gloire, You Can't Stop the Music. Le groupe sera modifié plusieurs fois et les années 80 seront synonymes de lent déclin. Tout de suite, on écoute San Francisco et Ready for the 80s, c'est maintenant. Jet, le festival de toutes les musiques. We'll be right back. Fadjet, c'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. J'espère que vous êtes régalés avec ce petit morceau. C'est le moment du maxi. Pour ce premier maxi, on va écouter l'artiste qui a fait paraître le premier maxi 45 tours en France. J'ai nommé Sheila. Ça fait beaucoup de maxi quand même. Hein. J'ai toujours eu une petite préférence pour Spacer. Peut-être du fait que c'est le groupe Chic qui a composé la chanson. 400 000 exemplaires en France, classés dans les hit parades des plus grands pays d'Europe. Alors il y a une petite anecdote sur ce titre. C'est en écoutant ce tube que David Bowie et Blondie décideront de faire appel, chacun, à Chic pour produire un album. Je vous dis à tout de suite et régalez-vous. On arrive à la dernière partie de notre émission. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On essaiera toujours de finir par une pépite. Un morceau peu ou pas diffusé en radio, ou tout simplement je trouve très sympa. Cette semaine, c'est le King of Pop, Michael Jackson, qui avant 1980 faisait du funk. Sur son premier album, Off the Wall, figure la chanson Rock With You. Maintenant, vous allez l'écouter, mais il y a quelque chose qui me dit qu'on aura de nouveau la chance d'entendre d'autres titres de cet artiste, bien sûr. Allez, Rock With You, Michael Jackson. Jet. Une radio associative, citoyenne et solidaire. C'est plus qu'une radio. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous sur FanJet. Je voudrais remercier Mathéo pour la technique. Je vais vous dire à bientôt sur FanJet pour des nouvelles aventures et restez funky.